salut les 60, bienvenue sur Radio Gameozor, bienvenue dans la musique des 60s. Et pour entamer la première heure de la dernière émission de l'année, eh bien nous aurons Johnny Hallyday, Wanda Jackson et les Rolling Stones, route 66. Bonne route, bon après-midi, merci de votre fidélité. Sur Radio Gameozor, la légende en musique.

Et là, un bateau s'en va, le bon Slou Baloche, qui devait à l'époque figurer sur chaque 45 tours et qui se trouvait sur le premier disque de Sheila. Brian, Denis, Carl, Mike et Alan, les Beach Boys, Slop, Jumbi. Les garçons de la plage, allez, c'est maintenant, c'est sur Radio Game Ozo. We come on. S'écoute en deux versions. D'abord la version originale avec Elvis Presley à Gatineau. Till the end of time, saw the fortune teller and my send me straight to Payson. Lonesome and I'm lovesick. Shooby dooby da. I've got my mind on lipstick. Shooby dooby da. Will you kiss away my cares and woe? I gotta know, gotta know, gotta know. La version originale, la version française, Je t'aime trop, elle est l'œuvre d'un certain Claude Moine, alias Eddie Mitchell, chanteur leader des Chaussettes Noires. Toujours te dire je t'aime, pour vivre à tes genoux, te lire des poèmes, il faut bien être fou, mais moi je sais quand même, que pour toujours je t'aime. Je t'adore malgré tous tes défauts. Je t'aime trop, t'aime trop, t'aime trop. Tu es dans mes rêves, ton image est partout. Je ne suis plus le même, car tu m'as rendu fou. Mais moi je sais quand même que pour toujours je t'aime. Je t'adore malgré tous tes défauts. Je t'aime trop, t'aime trop, t'aime trop. Si tu voulais m'entendre, pourrait nous séparer. Tu serais douce et tendre, et le temps ne pourrait rien changer. Pour savoir te plaire, pour t'avoir dans mes bras, dis-moi ce qu'il faut faire, car je suis fou de toi. Oui, mais moi je sais quand même, je vais lever de là, que pour toujours je t'aime. Je vais lever de là, je t'adore malgré tous tes défauts. Je t'aime trop, t'aime trop, t'aime trop. Dans mon cœur en fait, chérie, on n'attend plus que toi. J'ai tant d'amour en tête que je ne peux pas garder ça pour moi. Tu m'as dit je t'aime, de joie j'en deviens fou. Au diable les poèmes, j'ai trouvé bien ton goût. Donne-moi tes lèvres, tant pis si j'ai la pierre. T'adorer ce n'est pas un défaut. Non, je t'aime trop, t'aime trop, t'aime trop. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, à 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Quand l'été reviendra près de nous, sur la plage tu auras rendez-vous. Il te faudra toujours te faire belle pour le voir, pour le voir. Oui, mais chaque soir. L'été reviendra, et pour confirmer les dires des filles, bien Noël Deschamps l'avoue honnêtement, tout ira très bien. Oui, tout ira très bien, très bien, très bien, oui, tout ira très bien. Je t'ai rencontré, j'ai the year of five. February, you're my little Valentine. March, I'm gonna march you down the aisle. April, you're the Easter bunny when you smile. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. I love, my little calendar girl every day. Every day. Every day. Every day. Of the year. Hey, maybe if I ask your dad and mom, sure, they let me take you to the junior prom. Sure, like a firecracker, I'm aglow. When you're on the beach, you steal the show. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. I love, love, love my little calendar girl every day. Every day. Every day. Every day. Of the year. Naît la CFDT issue de la CFTC qui perd ainsi de nombreux adhérents. Le 6, le champion cycliste Hugo Coblet meurt à Zurich. Le 6297e et dernier numéro du quotidien Libération, créé en 1951, sort le 27. Situons le tout, nous sommes en novembre 1964 et Christine Lebaille, 49e du hit parade de l'époque, et c'est avec Johnny, secteur postal 69603, de traduire en chanson le genre de courrier que recevait Johnny Hallyday à Offenbourg où il effectue son service militaire. Johnny, je t'écris de Marseille, je m'appelle Christine, je viens d'avoir 16 ans. Johnny, je souhaite que ma lettre, parmi tant d'autres lettres, te parvienne vraiment. Pour moi, tu es sur cette terre le seul chanteur sincère. Je sais que tu es malheureux, Johnny. Quand tu chantes l'idole, j'en connais qui se moquent. Moi, j'ai des larmes aux yeux. Le soir, ta photo dans ma chambre semble me faire comprendre que tu es près de moi. Surtout quand ta voix sur un disque, tour à tour gai ou triste, ne s'adresse qu'à moi. Johnny, souvent les magazines t'inventent des idylles, des amours les plus insensés. Johnny, quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on puisse écrire, tu es seul, je le sais. Johnny, ce soir passe en vedette à la salle des fêtes un de tes bons copains. J'irai l'écouter car il chante une de tes chansons lentes que par cœur je connais. Je vais penser à toi et faire de moi ta prisonnière en rêvant que tu es ici. La nuit. La. La. Christine Lebaille vient d'évoquer Johnny en chanson, un Johnny Hallyday qui en ce mois de novembre 1964 est premier avec le pénitencier et 34e avec Toujours plus loin. Le film des Beatles est un succès. Leur chanson Un tube et Quatre garçons dans le vent, la version française des Lionceaux, un groupe originaire de la région de Reims, rentre en ce mois de novembre 1964 à la 23e place du Hit Parade. La version originale occupant, quant à elle, la 6e place. Ils sont quatre à chanter. Quand vous avez noté George et Ringo Booth. 1964. Le B-70, inspiré du Concorde, s'envole pour la première fois. Zébulon et Pollux font trois petits tours sur le Malaise enchanté. Et Jules Dassin, hold up, top capi. Tous les copains, je ne vous oublierai jamais. Les Badim sont désormais vendus à l'unité. Hello, darling. André Malraux, ministre de la Culture, inaugure la première maison de la culture à Bourges et la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Les Beatles envahissent l'Amérique. Les premiers monokinis apparaissent sur les plages. Et les mannequins rêvent d'être stars. Avec ce simple geste, vous en économiserez des centaines d'autres. Le scotch sert à tout et n'importe quoi. Les films d'horreur ont trouvé leur public. Mao et Le Che font ami ami. Et les fauteuils sont futuristes. Les Animals, I'm Crying. L'interminable tournée annuelle de Claude François après son triomphe à l'Olympia se poursuit à travers la France, propulsant son dernier hit, Du pain et du beurre, à la 7e place du hit parade de novembre 1964. À tous les repas, car la fille que j'aime ne sait faire que ça. Du pain et du beurre, à moi je n'aime que ça. Du pain et du beurre, allez ça s'arrête là. Oh oh oh, au début pour lui plaire, j'en mangeais de bon temps. cœur. En lui disant c'est délicieux, quand j'en avais horreur. Ah, du pain et du beurre, ah, moi je n'aime que ça. Ah, du pain et du beurre, ah, et ça s'arrête là. Alors elle m'a tendu un piège, en mettant un beau jour sur une table du pain et du beurre, de l'eau fraîche et de l'amour. Wow. Au pain et au beurre, ah je suis condamné. Ah, au pain et au beurre, ah pour bien des années. Eh, eh, eh, ah, du pain et du beurre, eh, eh, eh, ah moi je n'aime que ça. Oh, oh, ah, du pain et du beurre, eh, eh, eh, eh, et ça s'arrête là. Eh, eh, eh, ah, du pain et du beurre, eh, eh, eh, ah moi je n'aime que ça. Elles sont toutes les deux bien placées au Pretty Woman, la version originale de Roy Orbison, et quatrième. L'homme en noir, l'adaptation qu'en a fait Sylvie Vartan, est un peu mieux placée puisqu'elle est deuxième en ce mois de novembre 1964. Thank you. eyes. Your pretty looking people, but I can tell you people, they were the devil's children. Bonnie and Clyde began their evil doing one lazy afternoon down Savannah way. They robbed a store and hightailed out of that town. Got clean away in a stolen car. Advanced their reputation and made the graduation into the banking business. Sweets for the sky, sweet talking tribe would holler. It's money loaded dollars in the July bag. Now one brave man, he tried to take them alone. They left him lying in a pool of blood. A federal deputation laid a deadly ambush. When Bonnie and Clyde came walking in the sunshine, and half a dozen carbines opened up on them. La balade de Bonnie and Clyde. Après l'histoire du couple de bandits le plus célèbre d'Amérique, voici Bill Haley, le père spirituel du rock and roll. Well, rock and rolling all the day, rock and rolling all the way, rock and rolling to the end till the saints go marching in. Now when the saints go marching in, well, when the saints go marching in. Yeah, Lord, I want to be in that number with the saints go marching in. Well, now when Nick comes wailing in, yeah, when old Nick starts wailing in, oh, Lord, I want to be in that number when that guitar comes wailing in. Well, now when Rudy begins to blow, well, when old Rudy about the wailing ear. Rock and roll. Well, when the comets rock and roll, yeah, Lord, I want to be in that number when the comets play rock and roll. All together. Rock'n'roll, c'était Billy. Fille de dentiste née en Tunisie, Jocelyne a 12 ans et demi lorsqu'elle interprète en 1964 Où serons-nous demain? Excellente question, mais Jocelyne savait-elle qu'au début des années 70, elle décéderait victime d'un accident de voiture? Sont ici avec moi aujourd'hui. Où seras-tu demain? Toi que j'aime bien, tu suis ton chemin. Vers le monde, de Shanghai jusqu'à San Fernando, sous le vent et la tempête, pour toi j'ai mené mon bateau. Je reviens le cœur en fête, jusqu'au bord de Saint-Malo. Je reviens au pays, sous le vent et la tempête, pour toi j'ai mené mon bateau. Je reviens le cœur en fête, jusqu'au bord de Saint-Malo. Trois de vent depuis 20 semaines, d'Amsterdam à l'île de Bornéo. J'ai souvent cru que l'orage finirait par avoir ma peau. Mais j'ai retrouvé courage et le chemin de Saint-Malo. Je reviens au pays, sous le vent et la tempête. Pour toi j'ai mené mon bateau, je reviens le cœur en fête, jusqu'au bord de Saint-Malo. Hey, la la la la. cavale pas réseau. Je fais le tour de la terre, voile au vent sur le Centrano, par les portes de l'enfer, qui conduisent à tout Saint-Malo. Je reviens au pays, sous le vent et la tempête, sous le jet de l'épaule. Je reviens le cœur en fête, sous le port de Saint-Malo. Cheveux noirs ou bien cheveux d'ange, de l'Hispane au port de San Diego. Mes amours, mes demoiselles, s'envolaient comme des oiseaux. C'était toi vraiment la plus belle, de New York jusqu'à Saint-Malo. Je reviens au pays. Hugo Frey en 1963, je reviens. Sur Radio Guémozo, la musique s'écoute en deux versions. D'abord la version française avec Dick Rivers, J'en suis fou. J'en suis fou, oh, j'en suis fou. Tous les jaloux me crient à ce coup. Mais que voulez-vous, cette fille? Oh, j'en suis fou, oh, j'en suis fou. Même si son cœur n'est pas fidèle, tout mon bonheur est auprès d'elle. Et malgré tout, moi que voulez-vous, je lui pardonne tout, cette fille. Oh, j'en suis fou, j'en suis fou. J'en suis fou, oh, j'en suis fou, j'en suis fou, oh, j'en suis fou. Après la version française, la version originale avec les Beatles, Love Me Do. I'll always be true, so please. love me do. Gérard, c'est vraiment bon. I got the rock of fire, baby blue. Baby, they're rocking with somebody new. Believe in me with the rock of fire. Goodbye. I got the rock of fire, baby blue. Baby's out of rock and that's why I can't lose. These old mean rock of fire, baby blue. Goodbye. I got the rock of fire, baby blue. Baby's out of rock and that's why I can't lose. These old mean rock of fire, baby blue. Brenda Lee, rock by baby blue. Le transistor, l'un des objets cultes des années 60, et pour nous en parler sur Radio Gémozo, nous aurons Francky Jordan. Quand je l'emmène sur ma Vespa, quand on va se promener dans les bois, elle n'est jamais vraiment avec moi. Qu'il fasse nuit ou pas, qu'il fasse chaud ou froid, quand je veux la prendre dans mes bras, quand je veux la serrer contre moi, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Car alors elle sort son transistor, c'est devenu une folie. Il n'y a plus que ça dans sa vie, elle n'a plus qu'un seul ami. Même le soir quand elle s'endort, elle casse son transistor. Et quand nous allons au cinéma, et vas elle entendre de drôles de voix, du rock, du jazz et les cha-cha-cha. Car alors elle sort son transistor. Je lui ai mis le marché en main. Si tu veux qu'on reste bon copain, faudra me liquider cet engin. C'était pas malin, ça ne servait à rien. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle m'a dit que j'étais plus son trésor. Alors j'ai été pris par le remords. Et je lui ai laissé son transistor. Et je m'y suis habitué. Moi aussi je suis cinglé, je l'écoute toute la journée. Même le soir quand je m'endors, je caresse le transistor. Quand je les emmène sur ma Vespa, quand on va se promener dans le bois, nous sommes très heureux tous les trois. C'est un truc en or, ce transistor. C'est un truc en or, ce transistor. C'est un truc en or, ce transistor. Vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans Salut les 60. Dis-lui que je l'aime, ah oui, et le temps de passer ce petit message et et l'on retrouve Richard Anthony. Merci de nous accompagner. Excellent après-midi sur Radio Gamozo. Toi que j'aime comme un frère, ouais. Toi qui es mon ami, ouais, ouais. N'oublie pas que je compte sur ouais. toi pour lui dire ce que je n'ose pas. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime comme un fou. Dis-lui que je l'aime. Depuis quelques semaines, sitôt que je la vois, devant elle je suis désarmé. C'est idiot, je ne peux plus parler. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime comme un fou. Dis-lui que je l'aime. Écoute-moi, toi que j'aime comme un frère, ouais. Ne me laisse pas tomber, ouais. Tu souris mais peut-être ouais. un jour tu verras que c'est chacun son tour. Dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime comme un fou. Dis-lui que je l'aime. Écoute-moi, va frapper à sa porte, ouais. Va tout lui raconter, ouais. Je t'attends là, le cœur va danser. De toi que mon bonheur dépend. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime comme un fou. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime comme un fou. Dis-lui que je l'aime. Le message est passé, monsieur Richard Anthony. Dans quelques minutes, les Vautours, groupe mythique du début des années 60, seront les invités du coin du spécialiste, juste après le Sailor de Petula Clark. années 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Guimauzo. La hiérarchie des groupes français au début des années 60 était évidente et incontestée. La chronologie semblant aller de pair avec la qualité, tout le monde préférait les Chaussettes Noires et les Chats Sauvages. La lutte pour la troisième place était âpre entre les Pirates, Danny Boy et les Pénitents et un gang de la banlieue sud de Paris, les Vautours. Les Vautours mirent au point deux ou trois chansons au Centre culturel de Créteil, avant de passer une audition chez Festival le 27 juin 1961. Ils furent engagés par ce label. Le 21 août 1961, la sortie à l'automne de leur premier 45 tours fit l'effet d'une bombe. Outre une musique d'enfer, les Vautours avaient un look impeccable. Petit pantalon patte def noir et gris, mocassin noir, chemise hyper bariolée, coupe de cheveux en arrière et assez long. Et des guitares électriques ultra modernes, plates, Oyo et autres qui semblaient alors aussi mystérieuses et magiques que le plus sublime des ordinateurs synthétiseurs d'aujourd'hui. Les Vautours, composés de Vic Lorenz, Pierrot Klein, Christian Bois et Ange Beltram, vont de gala en gala sillonner la France. Enregistrer 7 45 tours et un 33 tours 25 cm. En mars 1962, Sammy Slimer et Tony Falla remplacent Christian Bois et Ange Beltram. C'est le début de la fin, la carrière des Vautours se termine. Pierrot Klein rejoint l'orchestre de Sylvie Vartan. Vic Lorenz signe en mai 1963 chez Mercury et se lance dans une carrière solo. Bien que courte, l'épopée des Vautours restera à jamais gravée dans la légende du rock'n'twist français et feront partie des groupes mythiques qui ont marqué le début des années 60. Je suis amoureux de Betty et de Jenny aussi, mes amis quel ennui. Oui, oui, oui, Betty et Jenny, Jenny et Betty, je n'en dors pas de la nuit. Betty a de beaux cheveux roux qui lui tombent dans le cou, mais Jenny a des cheveux longs, blanc, blanc, blanc. Betty et Jenny, Jenny et Betty, je n'en dors pas de la nuit. Je suis sorti avec Betty, l'embrasser c'était le plus beau jour de ma vie. Je suis sorti avec Jenny et quand je l'embrassais je me suis cru au paradis. Je ne peux pas me décider, je voudrais bien les garder, mais un jour avant se fâcher. Avec Jenny, Jenny m'a dit tout est fini si je te trouve en train de fricoter avec Betty. J'aurais bien voulu les garder mais ça ne peut pas durer, il va falloir me décider. Oui, oui, oui, Betty ou Jenny, Jenny ou Betty, je n'en dors pas de la nuit. Oui, oui, oui, thank you. joie, toi que j'adore. Que mon cœur n'a vraiment pas le moindre petit tort. Si l'amour en moi est de plus en plus tort. Oui, tu lui me donnes bien souvent tant de bonheur. Oui, je ne voudrais pas que nous donnons pas mon heure. Oui, bien sûr, ce serait pour moi tout le malheur. Au cœur de la musique des années 60. C'est mon histoire, je vous l'avoue. Une fille un jour m'a rendu fou. Elle prit mon cœur et s'en alla, donnant le sien à d'autres gars. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, regard prometteur. Suzy avait pour moi tant de caresses que pour Suzy j'avais toutes les faiblesses. C'est de cela qu'est venu mon malheur. Puis et les filles, regard prometteur. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. John, il dit qu'on ne doit plus danser, toi et moi, oh baby, yeah, oh baby, oh baby, et moi je suis fou de toi, yeah. Après tout ça ne regarde personne, si on nous voit ensemble du matin jusqu'au soir, oh baby, yeah, oh baby, yeah, oh baby, et je suis fou de toi. l'oncle John dès ce soir. Va voir toute la famille et faire à ta histoire. Oh baby, yeah, oh baby, yeah, oh baby, parce que je suis fou de toi. Moi tu sais, je le vois venir, l'oncle John, il va me faire épouser une autre fille que toi. Oh baby, yeah, oh baby. Oncle John et de son héritage car tu es tout pour moi. Oh baby, yeah, oh baby, oh baby, que je suis fou de toi. Ouais, tu es mon bonheur à moi, puisque je suis fou de toi. Je ne peux vivre qu'avec toi, yeah, puisque je suis fou de toi. Oh oui, vraiment, vraiment je suis fou de toi. Chaque jour tu me reviens, les bras chargés de paquets. Tu vas fort mais tu t'y prends bien, car devant mon air mauvais craque, ça y est, toi tu es le coup du charme. Il est parfait, ton petit coup du charme. Lorsque je me gendarme, toi tu ris, moi je ris, et gentil, si gentil, je dis oui. Tu as trop d'anges gardiens pour veiller sur ton cœur. Tu prétends qu'ils sont des copains et ça me met en fureur. Alors craque-toi, tu me fais le coup du charme. Il est parfait, ton petit coup du charme. Calmante mes alarmes, et gentil, si gentil. Quand tu ris et tu ris, je souris. Toi tu fais le coup du charme, il est parfait, ton petit coup du charme. Lorsque je me gendarme, je suis pour ton amour, tu es pour mon amour toujours. D'une fille que j'emmène au bal. Tu peins, tu peins ton visage, tu peins, tu peins ton image, tu confonds l'Afrique et Nanterre, la route de nos gens et le sentier de la guerre. Pour te prendre un baiser au vote, je mets du rouge plein mon code, et au lieu de celle que j'aime, je n'embrasse qu'un masque de poupée de près. Tu peins, tu peins ton visage, tu peins, tu peins. Quel dommage, c'est d'autant plus tard. Pardonna, que tu as 17 ans et la beauté du cadre. Yeah! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Yeah.

ballon. Well, she took good that long for the four. And I rooted it too. And that the gal did shoot through that hard boy swinging door. Well, she got her man, 'cause he was doing her wrong so long. Well, the cranky sets down in the jailhouse. She down on. John Vincent, Frankie N. Johnny, c'est la version originale. L'adaptation est interprétée par Johnny Hallyday et ça nous donne ceci. Le Match Potatoes de Joe Eddy and the Starlighters fait des ravages culturels et le pop art est institutionnalisé par Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein et Andy Warhol. On s'est connu, on s'est reconnu. Jeanne Moreau fait tourner les têtes de François Truffaut et de Jules Gim. Pelé virevolte une seule mi-temps au Chili, le Brésil est encore champion du monde. Dieter Rams crée le premier tour de disque design pour Brown. À Evian, Algériens et Français signent des accords qui mettront fin à la guerre d'Algérie. Marilyn, épuisée de données, reprend sa vie en main et tire sa révérence. À Liverpool, les Beatles font une apparition remarquée. Antonioni éclaire Alain Delon et Monica Vitti dans L'Éclipse. La régie Renault crée deux fois l'événement en sortant la Renault 8 et en accordant la quatrième semaine de congés payés. Salut les copains, le magazine vient apporter l'image à Salut les copains, l'émission. Et Laurence Darabie nous fait aimer le désert. Thank you. naturel Soldier Boy. Nous allons mettre Chuck Berry à l'honneur par le truchement de Rollover Beethoven, francisé en repose Beethoven. Le morceau démarre avec la légendaire 5e symphonie et Monsieur Eddie Mitchell fait le reste. Des souvenirs plein la tête sur Radio Game Ozo. Ce soir, avec moi, tu sembles bien un enfant. En toi, j'ai deviné un amour. Si je te perds maintenant, sont bien finis. Ne me dis pas non, inutile, mon cœur a bien compris. Je le vois dans tes yeux, ton au revoir est un adieu. Sophie, ton au revoir est un adieu. Et notre adieu n'est qu'un au revoir. En tout cas, merci de votre fidélité. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Quant à nous, on se retrouve comme d'hab, bien l'année prochaine. Salut les 60, excellente fin de journée, excellente fin d'année sur Radio Guimauzo. Everybody be happy, as happy as you and me. Cause I know, I know. Come on baby, let me tell ya all the things I wanna say. Come on baby, let me tell ya all the things I wanna say. And everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know, and I know, man, when I see you walking down the street, well, it makes me happy to see you walking, makes my life complete. Cause I know, come on, baby, let me tell ya all the things I wanna say. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna say. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know, and I know that you and me, and I know that you and me be happy, happy as we can be. Cause I know. Come on baby, let me tell ya all the things I wanna say. Come on baby, let me tell ya all the things I wanna see. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know, I know. Ready? c'est tout soit pour le mois de janvier. Il y a à boire et à manger, le Père Noël y a pensé. On va chanter, on va danser, on va s'aimer toute l'année. Bonne année, bonne santé, le Père Noël y a pensé. On va chanter, we'll be right back.